J'ai effacé nos souvenirs, j'ai effacé notre histoire, j'ai détruit toutes les traces, mais je t'aime toujours, je t'aime toujours, je t'aime toujours. Je ne suis pas là à t'attendre, ce serait bête que je t'attende, même si je t'aime toujours, je t'aime toujours, même si je t'aime toujours. Je sens mon cœur qui s'enflamme, ça doit être beau dans ma poitrine, parce que je t'aime toujours, je t'aime toujours, parce que je t'aime toujours. Des fois j'y arrive, des fois pas, mais je n'y renonce pas, même si je t'aime toujours, même si je t'aime toujours, même si je t'aime toujours. J'ai effacé notre histoire, j'ai détruit toutes les traces, mais je t'aime toujours, je t'aime toujours, je t'aime toujours.